Ouais, mais t'as peut-être Sandy qui attend quelque chose de toi. Qu'est-ce que t'attends, Sandy, de moi? Ah oui, Sodomane. Bah ouais, mais tu sais, Sodomane, je sais pas si je peux te le faire ce soir. Oh, vas-y. Demande. Mais demande! Ils ont touché à tout, y a plus rien qui fonctionne. Ouais, c'est quoi ce monde de câbles, là? Bah ouais, je sais bien, mais ils peuvent pas, là. Pour le moment, c'est un peu compliqué, quoi. Ah, attends, je vais voir. Manu! C'est pas évident. Ce sera partie remise, c'est pas grave. Non, moi, avant la... Non. Avant quoi? Non, c'est la dernière ce soir qu'on a l'occasion de se voir là. Ouais. Donc, tu nous fais Sodomane. Bah, c'est pas évident, hein. Tu veux vraiment Sodomane, toi? Oui, je veux Sodomane. Mais comment ça se fait que t'aimes bien ça? C'est depuis que t'as déclaré ta flamme pour l'amour de la sodomie? Non, c'est pas ça, mais j'adore Sodomane. C'est les personnages, je l'adore, quoi. Ouais, tu demandes Sodomane et Punisher, alors? Ah non, je sais pas si on fera les deux. Ouais, les deux. On n'aura peut-être pas le temps, malheureusement. Alors, voilà, Sodomane, allez, alors, Sodomane. Demande. On va voir s'il peut rentrer dans mon corps. Demande-lui. Oh. Ouais, alors, Sodomane, t'arrives? Métamorphose. Comment vas-tu, Sodomane? Ça va, la forme? Un gros cul. Tu sais, je t'ai attendu, moi. Est-ce que t'as un gros cul? Hein? Est-ce que t'as un gros cul? Oh non, j'ai pas un gros cul, pas si gros que ça, hein. Et t'aimes bien faire sodomiser? Hein? T'aimes bien faire sodomiser? Ah ouais, j'adore ça. Hein. Des petits culs, et puis des gros culs. T'aimes ça aussi, non? Ah bah moi, c'est avec ça que je me nourris, j'aime bien sodomiser. Ah, t'as vu, j'adore ça, c'est super, ouais! Et c'est pour ça que tu t'appelles Sodomane, alors? Bah ouais, j'espère qu'il y aura plein de petits culs pour l'an 2000! Ça, c'est des bonnes résolutions que Noémie n'a pas dit! Il faut des petits culs! Et qu'ils fassent tous sodomiser! Faites-vous sodomiser pour l'an 2000! Ah, sacré Sodomane! Eh bah voilà! Voilà! Ah, Jean! Tu me fais vraiment rigoler, franchement, tu me fais trop rire, toi! Tu pourrais pas! Montrer ton cul pour. De quoi? Tu pourrais pas montrer ton cul pour Sodomane? Je sais pas. Montre-nous ton cul! Hein? Montre-nous ton cul! Mais pourquoi? Allez, montre-moi ton cul! Ah bon? Allez, baisse ta culotte! Montre ton cul que je te sodomise! Arrête, Sodomane! Métamorphose! Voilà. C'est que. Non, mais moi, ça me vide les batteries, après, je suis plus bon, hein. C'est pas trop dur. Bah c'est difficile, hein. C'est jamais simple. C'est comme Hulk, tu vois, quand il se transforme et tout. Après il est épuisé. C'est comme Batman et tout ça. Et voilà. Et on n'a pas le temps de faire venir Punisher qui sera de toute façon là pour l'an 2000 avec Sodomane. Même si c'est vrai qu'on les a pas entendus depuis longtemps. Hein.